éternel, tu me sondais, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres loin mes pensées. Et tu sais toutes mes voix. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Tes œuvres sont à moi.